بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثاني عشر 12e leçon. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد تمام سيكون اليوم درس جديد لنا ندخل في الخامس وهو بعنوان تنظيم الوقت Cinquième leçon, qui serait l'organisation du temps. Tanzim, c'est organisation. C'est le masdar de nazama yunazzima. Classer, organiser. Ou la planification du temps. Tout ce qui tourne autour de ce sens-là. Bon, il y a encore des têtes là. Malheureusement. Ayoua. Fayaqoul al-kalimatu al-jadida. Awalan muhasib. Muhasib, c'est un comptable. Comptable ou trésorier ? Shadika, Shadika, c'est une entreprise, une société. Shahn, Shahn, c'est le fait de charger. D'accord ? C'est le mazar de Shahana et Shahanou qui veut dire charger. Par exemple, tu veux charger ton Jawel, du coup, la Shahana et Jawel. Shahn, c'est le fait de charger, et même, tu as Shahan, c'est-à-dire, tu charges la voiture. Ou Hadha et Tarak Bissoufoun, qui est pour les bateaux, comme ça va venir. Tafrir, c'est le mazar de farraga yufarriru, c'est le contraire. C'est vider. Vider. Akhara yuakhiru, c'est le fait de retarder quelque chose. D'accord ? Faire tarder quelque chose. Injaz, c'est le fait. Mana. Ikmal, le fait de compléter, d'achever quelque chose. Finir complètement quelque chose. Là, ils ont fait une erreur. Je sais pas si tu l'as, je sais pas si c'est le livre ou quoi. Il y a Hamzat al-Qat. Ouais. C'est une erreur, ça, il n'y a pas de Hamzat al-Qat. Où il est ? Si. À la wazni fa'al. Anjazun Jizou, la voix d'Ifal, si, Hamzat al-Qat. Après, je crois que c'était un. Khumasi, c'est un Urba'i. Si. Il y a Hamzat al-Wasl. À la voix d'Ifal. Mais il est tellement écrit en gros, le Hamzat, on dirait qu'il était rajouté, tu vois. Il ne fait pas naturel. C'est ça qui m'a fait douter. On est bizarre, on dirait. Il n'est pas d'origine, ce Hamza. En fait, si. Ce Wazn-là, le Urba'i, à la voix d'Ifal, il y a Hamzat al-Qat. C'est le seul d'ailleurs. Un masdar qui a un hamzat al-qat. C'est le hamza du fi'l ruba'i à la wazn if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Mithl aslama yuslimu islam. Sinon tous les autres masdar à dire, ils n'ont pas de hamzat al-qat. Dernier, je parle des masdar à dire qui ont un hamza zaïda taban. Ceux qui ont Hamza, Akala Yakulu, le mazdar c'est Akl. Il y a Hamza, mais c'est un Hamza d'origine, c'est partie du mot. Moi je parle des Huruf Zaïda. Dans les lettres qu'on rajoute, le seul qui prend un Hamza de Kot, c'est le verbe à 4 lettres. Rubaï. Tanzif, on l'a dit, c'est. Tanzif, c'est nettoyage. Nazzafa yunazzifu, se nettoyer. Quelque chose. I'dad, c'est le fait de préparer. C'est le mazar de A'adda yu'iddu i'dad, préparer. Muqbilun, le mazar Ati ou Qadim, l'année prochaine, arrivant. Une chose qui arrive dans le futur. Fantakul, Sanati el-Am el-Mukbil, on va venir l'année prochaine, Inch'Allah. Tabadulun, c'est le mazal de Tabadala. Il y a Tabadalu qui veut dire s'échanger. S'échanger des choses entre les gens. L'origine c'est Badal. Le Ba, le Del et le Lam. Le huruf d'origine. Istikrar, c'est le fait de être installé, posé quelque part. Le mazar de stakarra, yastakirru. Ça te coule, ana astakir fi hadha al-balad. Je m'installe dans ce pays. Mathalan. Nala yanalu, c'est obtenir. Nala yanalu, c'est le fait d'obtenir, d'atteindre quelque chose. Kafikolilai ta'ala, wala tanalu al-birru, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Murattabun. Murattabun, c'est une chose qui est bien rangée. C'est le ism maf'oul du verbe rattaba yurattibu, tartiban. Ranger quelque chose, classer quelque chose, ordonner quelque chose. Non, ordonner, c'est-à-dire de mettre dans l'ordre, pas ordonner, en fait, donner un ordre. Yani mana munazzam, comme on dit. Munazzam. Une chose qui est bien organisée, bien structuré. Takdir, ou nabimana, comme on s'écrit entre parenthèses, ihtiram. Respecter. Tatakum salan fulen ana ukaddiru. Fulen, je le respecte, il a de la valeur à mes yeux. Wa tanzim, ce qu'on a mis au début. C'est l'organisation. الآن سنقرأ مع الترجمة إن شاء الله. يقولون يعمل أحمد محاسبا في شركة تجارية. أحمد travaille en tant que comptable dans une entreprise commerciale, تجارية commerciale. تعمل في الشحن وتفريغ السفن. Donc là, regardez, on dit تعمل. قالوا تعمل. ما قالوا يعملوا معنى تعملوا الآن يرجع لمن الشركة. الشركة هي تعمل. Et donc cette entreprise c'est quoi, c'est qu'elle s'occupe de charger et de décharger les bateaux. طيب الشحن on a dit c'est charger et تفريغ c'est l'axe. والسفن جمع سفينة. سفينة بمعنى bateau. يبدأ أحمد عمله في الساعة السابعة صباحا. يبدأ أحمد commence son travail à 7 heures du matin. وينتهي منه في الساعة الثالثة بعد الظهر. Et qui termine à 3 heures après le ظهر. يعني مساء après-midi. ينجز أحمد عمله يوما بيوم. ينجز là c'est le verbe de injaz qu'on a vu tout à l'heure là, le masdar qui veut dire achever, finir. Que Ahmed finit son travail jour après jour. يوما بيوم, jour après jour. فلا يؤخر عمل اليوم إلى الغد. Et qui ne retarde jamais le travail du jour au lendemain. Et regarde bien là. يعني كما ترى أن كثيرا من الناس يخطئون مع كلمة غد. Les gens disent tout le temps غدا غدا غدا غدا غدا. Gaden, c'est lorsqu'il est mansoub. Lorsqu'il est varf. Zaman. Mais il n'est pas lazim pour le nasr. Les gens croient que Gaden, il ne dit que Gaden. Tu vois? Non. Regarde là. Amalahu, il est yum, il est la gaddi. C'est quoi la kasra? C'est quoi la haraka? Kasra. Les mazal, parce qu'il est majeur, pas il a. Le mot là-bas, c'est rad, tout court. Le ghoin et le del. Les gens disent, ouais, ça dit, Messalen, bad Gaden. Je dis, non. Je dis, bad Gaden, là, c'est un mot d'orfilei. Non, on dit Gaden, Gaden tout le temps. Je fais Gaden, c'est quand il est en dessous. Sinon, c'est voilà. Faltanzur nefunma kaddamat di rad, comme a dit Ta'ala. Makaddamat di rad, et dans le, quand tu regardes bien, c'est l'iradine. Il est écrit. Donc, fais attention à ça. C'est une erreur qui est très fréquente, celle-là. Walizalika. إذا شعر بأن عمل يوم ما يحتاج إلى زيارة طيب زيارة من الوقت عاد إلى مقر عمله في المساء لإنجاز عمله. Donc pour cela, s'il sent que un travail d'un jour quelconque, شعر c'est ressentir, ويوم ما c'est un jour quelconque. Il y a une chita sur le yomim ma. Ouais. Yomim, ah, en fait, tu fais yomim ma, ça. Non, non, il n'y a pas chita. Yomim chita. Non, je sais pas ce qu'ils ont écrit. Je sais pas. Ouais. On dirait plutôt, je sais pas c'est quoi, c'est pas chita. Non, c'est yomim ma. C'est le. Tout ça, le ma, le boubahama. Quand tu vois ce ma qui vient derrière un mot, ouais. Souvent c'est pour le rendre quelconque. Par exemple, t'as cool. Ça a tibi ça a tin ma. Je vais venir à une heure quelconque. Raïtou, Rajoulan, j'ai vu quelqu'un. Zabtou, il est mécanique de main, j'étais quelque part. Tu vois. Fais attention parce que les mains, en langue arabe, il y en a plein. Quand il y a Talit Bardoua à la barde, au fiche Tibet, l'équipe de la Bainaha, la Bouna Tadrous, Finnahou, Mathalen. وفي كتب المعاني ومن أحسن ما كتب وألف في هذا الجانب وكتاب ابن هشام الأنصاري والمغني اللبيب c'est un livre en deux volumes, on parle souvent parce que c'est un livre référentiel en langue arabe de ابن هشام, celui qui a fait قتل ندى مثلا ou شذوذ الذهب, il est connu, c'est un imam dans la langue arabe. Et c'est un élève d'Ibn Malik, Al-Fiyah. Et Kif. Il a un livre qui s'appelle Al-Mughni. Et dedans, il explique bien les hurufs en langue arabe. Et quand, quand un harf il a une même apparence, il te fait la distinction entre chacun, leur sens et les shurut et les différences qu'il y a. Par exemple, tu arrives à distinguer entre ma nafia, ma tamma, ma kafa. Ma, Mausoula, Ma, Shortia, tout de suite les mains, il dit celle-là, comment tu l'as différencié de celle-là. Parce que des fois, tu as un harf, Ma, il y a pas plein de sens. Donc, c'est quel Ma? Je sais pas, moi, c'est lequel. Ben, lui, il t'apprend justement à pouvoir le distinguer et à prendre leur sens. Comment ils s'utilisent et comment ils s'utilisent. Les shurut. Par exemple, Lamma, Mathalan Kazalik, Lamma, il y en a plusieurs. Zalfiya, Tayyib, et à. Celle qui est shortie, qui est harf jazz. Il t'apprend à différencier comment est-ce que l'utilise. Donc il dit, donc s'il ressent un jour quelconque qu'il a besoin de rajouter du temps, supplément de temps, yartej ou les yalatin fil minelwokt, un supplément de temps. Ada il est makar yamalihi fil massa, donc il revient à son lieu de travail. Makar, là c'est son agent, son lieu de travail. Ah, c'est pas un domicile. Hein? Maza? Makar, j'ai trouvé domicile. Makar, c'est le lieu où tu poses. En fait, là, on se traduirait par son lieu de travail. Filma ça dans l'après-midi. L'injez amali. Pour achever son travail. Femta? نعم والذي كان هكذا في مدرسة كان يستأذن به je me rappelle celui qui était comme ça à l'école à l'époque comment il se faisait tailler Ah ouais, ça au collège, t'étais comme ça, tu te faisais tailler par tout le monde. Ah, ma fille de Dine, Sharaf. Mais qui t'a la bamine comme ça, machallah. Quand même. C'est là que tu vois la différence entre l'islam et le kufr. C'est comme dans le kufr, les choses bien, elles sont honteuses. Tu voles pas, ils disent quoi, t'es, voilà, quand tu fais pas zina, tu vois pas, tu fumes pas, tu fais pas ce genre de choses, t'es un nul pour eux, tu vois. Ils appellent ça un bouffon, comme ils disent, je sais pas si tu te rappelles. Dès que t'es quelqu'un de droit, dans le kufr, on te descend. Tu vois, t'es un ringard, comme ils disent. C'est vrai que c'est adib, hein. Tu vas avoir des vraies valeurs, de bien te tenir, tu te fais tailler par tout le monde. Ah mais en islam, mashallah, sharaf. Pour dire même dans le kufr, les gens bien chez les kufras, ils sont pas aimés. Ils sont pas aimés. T'es obligé d'avoir un côté méchant, un côté trompeur, un côté roublard, un côté. Sinon, on dit t'as rien compris toi. T'as rien compris toi. Adib, les kufras, comment ils sont. Je me rappelle justement au début de ma conversion quand j'avais lu des livres. Je sais plus c'était qui, comme couteau. Non, je sais pas quoi, en fait. Avant de me convertir, quand j'étais dans des livres, je sais plus c'était un type. Aujourd'hui, on m'a dit que c'était un Munharif, tu vois. Mais à l'époque, on sait, il est pas. Il est sous l'islam. Et il disait comment les choses qui t'aident à rentrer dans l'islam et à rester dans l'islam. Dedans, il disait changer les fréquentations, changer l'accoutrement, plein de choses, tu vois. Et dedans, il décrivait il parlait aussi, je crois, ou dans un autre livre, que je disais en même temps, il décrivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et je disais, je fais ça, c'est des hommes, ça. Je me sais que pas des gens comme ça. Ils sont où, ces gens-là? Dis-moi si je fais ça, là, je suis fini. Si je deviens comme ça, là, j'ai plus d'amis, tout le monde se moque de moi. Je dis ça, c'est des vraies valeurs, tu vois. Réellement, ton âme, ton être, il sent que c'est ça qu'il faut faire. Mais tu dis, mais ils n'existent pas des gens comme ça. Tu vois, ils sont où, moi, je n'en ai jamais vu. C'est que dans les livres, comme on dit, tu vois, tu pourrais même dire, c'est des gens inventés, tu vois, tellement ils sont bien. Ils n'existent pas des gens comme ça. Et pourtant, ben. Mais comme à l'époque, je ne sais personne, à part des koufars comme moi ou des musulmans qui étaient vraiment à côté de la plaque, j'ai jamais vu ça, tu vois. Et après, d'après entendre l'islam, voir des frères pour dire, bah si, des gens comme ça, ça existe. Alors, je ne dis pas que les frères aujourd'hui sont comme les sahabas ou quoi, mais par rapport aux koufars, bah, ils n'ont rien à voir. C'est des gens qui ont des valeurs, tu vois. Des gens qui ont une éthique, on peut leur faire confiance. J'ai dit, bah voilà, ils sont là, ces gens-là. À la finale, tu les trouves. Et c'est pour ça que dans le livre, il conseillait justement de changer tes fréquentations. Tu vois, c'est les mêmes personnes, tu vas pas avancer. Tu vois, c'est que tes copains d'avant, tu vas pas avancer. Je connaissais, c'était converti. Et les choses d'avant, ils ont pas lâché, ils sont retombés. Tu es obligé de faire le pas. C'est pas seulement tu dis je fais la shahada, après tu continues comme avant. Tu vas pas y arriver. Tu vas tomber. L'islam, c'est. Est-ce l'islam lillah? Et. Wal ta'alaou, wal kriyad. Et également. Al-baratum ni shirk ou ahli. Tu es obligé de désavouer du shirk de ces gens-là. Donc si tu restes copain avec eux. Il dit, y a un problème dans ton islam, c'est que t'as pas compris. Comment t'es musulman mais tu continues à traîner avec ces voyous là? Tu crois que tu vas finir comment? Tu vas retourner en arrière, comme ce qu'on leur copine par exemple. Se convertit, il garde sa petite copine. Mm. Il dit, mais je suis amoureux d'elle, j'arrive pas. Ouais, bah, t'es amoureux d'elle, mais c'est un mec que t'adores, tu vois. Cette fille là va te faire tomber. Ou alors elle se convertit avec toi et tu te maries avec elle dans le halal. Alhamdulillah, si ça se passe pas, akhi, tawakkallah, laisse-la. Tu vas quoi? Tu vas mettre ton jannah en danger pour une femme? Tu as combien de femmes sur terre? Et après, on est simple, tu peux en avoir 4. Vas-y, laisse-la elle. Tu vois? Laisse-la elle et elle va te donner mieux qu'elle. Mantalaka Shanila, attends, ouvre le menu. Si tu la laisses elle, elle va te faire 4 mieux que celle-là. Hâte de croire cette femme-là, tu vois? Mais après, on appelle ça l'ishq en arabe. Quand l'amour est dans le cœur. L'amour te prend, c'est pas le mahabba, c'est l'ishq, ça s'appelle en arabe. Vraiment, t'es épris de la personne. Tu sais, t'as l'amour, genre, tu peux faire n'importe quoi pour cette personne-là. T'as même du shirk. Vraiment, t'es. Comme les autres là. C'est l'amour passionnel. Voilà les fans là, pour leur chanteur là ou quoi, comment elle crie, tombe dans les pommes là, elle pleure. Ah. Elle se suicide même. Tu vois, quand on voit un chanteur, elle crie comme des malades. Tu mais oh, mobile là. Tu vois, elle voit un homme, elle hurle comme des malades. Franchement, tu dis vraiment, ils sont fous ces gens. Voilà, ils sont malades ces gens. Même déjà avant, quand je voyais ça, je me dis, ils sont folles ces femmes. Elle voit un chanteur, elle crie et tombe dans les pommes. Je dis, mais t'as fait quoi? T'as tapé? Pourquoi tu tombes dans les pommes? Elle voit les lois et tout, même des fois elle voit un poster seulement, elle tombe dans les pommes. Je me dis, dingue dans vos têtes. Allah, les chiens, les koufars, c'est vraiment des haïwanettes. Ils ont rien dans la tête. Et quand tu rentres ensemble, tu te rends compte vraiment que les gens sont loin. Ils sont loin de chez loin. Voilà, Moustan. Aujourd'hui, ils disent, je suis Charlie. Ouais, bah, t'es Charlie si tu veux. Ouais. Attends, je me suis arrêté où? Est-ce qu'on a Ahmed? Hein? يسكن أحمد أيوة طيب تحت يسكن أحمد في شقة صغيرة. Donc Ahmed habite dans un petit appartement. Il écrit Shaka, mais souvent c'est Shuka aussi, avec une Dhamma. Shuka, c'est appart. Biha, Rulfatun, Lino. Donc dans cet appart, il y a une chambre pour dormir. Wa Rulfatun, l'Istikbel. On va dire un salon. Bah, c'est une Rulfa pour inviter. Un salon, quoi, comme on dit. Wa Madbakhun, une cuisine. ولينه يسكن فيها وحده فإنه يقوم بتنظيفها وترتيبها بنفسه. Donc comme du fait qu'il habite seul dedans, alors c'est lui qui le nettoie et qui le range lui-même. Tu vois, donc ce qui apparaît, c'est que c'est un azib, c'est un célibataire, il fait tout seul. ويقوم بإعداد طعامه بنفسه أيضا. Il s'occupe de se préparer son repas lui-même. Aussi. Donc Ahmed, c'est un débrouillard. Ou à finir, y a-t-il Ousbourg, Yachtali Ahmedou, ma sayartaïjo ilay. Et qu'à la fin de la semaine, Niyahaya c'est la fin, Ousbourg c'est la semaine, Ahmed achète ce dont il aura besoin. Ma sayartaïjo ilay. Là, le ma, là, c'est quoi le ma, là? Ahmedou, ma, ça y artadjou, il est. C'est quoi ce ma? Alladhi. Aïwa, c'est un mot sous là. Fil ouzbou al mokbil, la semaine suivante. Ou yatabadel aziyarat ma azdikai. Et qu'il échange les visites avec ses amis. يشعر أحمد براحة والاستقرار. Que Ahmed ressent le calme et la paisibilité, le repos. L'istikrar, il veut dire qu'en fait en toi t'es posé quoi. Maintenant, le sens istikrar, c'est le fait de se poser quelque part. Là dans le texte, le sens voulu, c'est en toi tu es posé. Installé. À la base, c'est ça le marna, mais quand on dit ta moustakel fait nefsik, c'est-à-dire que tu veux poser en toi. Et qu'il a obtenu, qu'il obtient le respect de ses collègues et de ses amis. Zumala, c'est le djem de Zamil. Et Zamil, c'est le collègue, le camarade. Une personne avec qui tu as un lien, mais qui n'est pas forcément une personne que tu aimerais. Comme un camarade de classe, par exemple. Ton camarade de classe, par exemple, quand on est à l'école, c'est pas forcément ton copain. T'as avec lui en classe. Mais c'est pas forcément ton ami, c'est pas celui forcément que tu fréquentes à l'extérieur. Hein? Comme le collègue. Les gens que t'es amené à fréquenter, enfin, à fréquenter, à côtoyer, mais ce n'est pas de ton propre gré. Hein? Et une fois, il m'a dit, Zamil, au Maroc, ça veut dire... c'est le petit copain. Homosexuel. Et après, il m'a dit, attention, chez nous, Zamil, c'est. Adazamilouk, ça veut dire. C'est ton petit copain, ça veut dire, genre pour un homo. Oh, donc attention. Pardon. Attention à qui tu parles. Tu dis Adazamil, il va dire, hein? Un examil, Anta? Il va le faire des yeux. Après, il va dire, chef, il y a un examil. Et celui-là, là, le nouveau, là, il a un Zamil. Vous savez, même dans le urf, dans le stylaire, il faut faire attention à qui tu parles. Des fois, tu employes des mots que dans un pays, ils ne sont pas employés pareil. La salène, je suis en Saoudi, c'est ce qu'on m'a dit, et aussi au Yémen, le plat couscous, par exemple. C'est quoi le couscous chez eux? On m'a dit, c'est un mot, tu sais, un mot voilà, qui met dans un gène. Je crois que c'est la partie intime de la femme. Celui qui ne connaît pas, tu dis, je veux du couscous. Il va te faire des yeux, il va dire, hein? Qu'est-ce que tu racontes toi? Après tu lui expliques ça, un taram, un plat et tout. Mais chez eux, c'est un mot, attention, tu vois. C'est un mot qui peut amener une connotation, tu vois. D'accord, j'étais parti à Bravo Center, c'est passé ça. Non, ils connaissent maintenant un petit peu ce qu'il y a. C'est Maudjoud. Tu es calif de Maghreb. Hein? Quand tu veux du couscous. Non. Toi, t'es maghrébi. Ils arrivent à. Ils savent de quoi tu parles. Mais toi, t'es marocain. Voilà, parce qu'ils connaissent. Celui qui connaît, il sait c'est quoi. Et celui qui ne connaît pas, il connaît le mot seulement. Par exemple, tu vas dans une campagne, je ne sais pas où, dans des pays, il n'y a pas ce plat-là. On m'a dit en Saoudie et au Yémen, tu vois, parce que c'est vrai qu'ils sont assez proches. On m'a dit à la base, ce mot-là, c'est pas. S'ils connaissent pas la nourriture, ils vont tout forcer que tu veux, voilà. Même des gestes, il y a des gestes, des harakats qu'on a. Je me rappelle une fois, c'était en Égypte, j'ai fait un geste. J'ai fait. Avec ma main, je sais plus quel geste que j'avais fait. Donc j'ai fait comme ça, tu vois, pour dire, allez, on y va, tu vois. Et un Égyptien m'avait dit, fais pas ça chez nous et tout, je sais pourquoi, parce que ça, c'est aïe, ça veut dire. Tu sais, ça a une connotation sexuelle. Je suis, oh, je savais pas. Chichim, ça veut dire, allez, on y va. Tu vois, il m'a dit, non, ici, ça ne veut pas dire ça. Donc attention, évite de. Certains gestes, évite de les faire. Parce que si un Égyptien te voit, il va dire qu'est-ce qu'il fait. Ah, c'est en Égypte, c'est pas Yémen. Non, c'est en Égypte, ça. Là, j'ai bougé la main, chez nous, c'est un geste pour dire, allez, on bouge, tu vois, tout le monde fait ça. Souvent, avec un enfant. Hein? Bah ouais. Voilà. Mais il m'a dit, chez nous, voilà, quoi. Ça passe pas. Non. Pour ça, des fois, on a des harakats ou quoi. Les gens nous font des têtes bizarres, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Une fois par ici au Yémen, quand tu mets ton pied par exemple sur ta cuisse, c'est quand tu croises tes jambes. Comme ça là, t'es assis, tu mets ta jambe comme ça. Mathalène. Tu vois? Pas comme ça, ça c'est les femmes ça. Tu parles comme ça. Comme les hommes ils font. Et que ta claquette, elle en direction de quelqu'un, c'est aïe pour eux. Parce qu'une fois j'étais assis pareil, je me rappelle, il y avait un type debout en train de parler avec un autre, je me fais comme ça, et il me dit ouais, genre baisse ta jambe. Comme ça. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit, ah, ta claquette, Kazach. Bah, touche pas ma claquette. Toi, t'es là-bas, moi, je suis là. Après, je me les parle, il est pas content, tu vois. Je vais dans ma tête, je me dis, mais il est faux, j'y fais quoi? Tu vois? Et quelques jours après, par coïncidence, un frère m'explique, en fait, eux, la claquette tournée vers les gens, c'est une honte. Donc, je me suis rappelé ça, je suis, ah ouais, c'est pour ça qu'il m'avait dit ça à lui. Parce que chez eux, ils voient que je mette ma claquette vers lui, c'est comme si je leur abaissais. Hein? Après j'ai fait le rapprochement, je suis, ah c'est pour ça qu'il a mal pris. Mais moi, au début j'ai pas compris, je me dis qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis assis normal, à Adi, je te parle pas. Il est au moins, je sais pas moi, quelques centimètres de moi, je te touche pas. Encore je dois toucher là comme il se blanc. Je laisse Adi, je crois, mais là y a rien. Et en fait il m'expliquait que la claquette ici c'est vraiment un truc rabaissant, tu vois. T'en prends ta claquette vers quelqu'un quoi en fait. Tu vois, ça te mal vu. C'est une forme de tazlil pour la personne. طيب نكمل طيب لأنه منظم ومرتب في حياته الخاصة وفي عمله. Donc on dit qu'il a obtenu le respect de ses amis et de ses camarades car il est une personne organisée et ordonnée dans sa vie privée, في حياته الخاصة, sa vie privée, وفي عمله, et dans son travail. T'avais déjà fait le tadrib al-awwal? Ouais. Bon, on va faire juste celui-là, après on va arrêter, inch'Allah. Et le reste, on prendra le dars suivant, bi'idhnillah. Oui, prendre des questions. Comme ça, on va te faire. Voir si t'as bien ces textes. J'ai pas compris la question. Tadrib salit, j'ai pas compris. Bon, on va les énoncer, bi'idhnillah, comme ça, je vais te faire comprendre, pour demain. Non, on va juste faire le awwal, vu que tu l'as fait déjà. Tamam. Yakoul, Eina Yamalu Ahmedou. Où travaille Ahmed? Oui, je te. هو يعمل في شركة تجارية. نعم. ثانيا أين تعمل أنت؟ Où travailles-tu أنت؟ Toi. أعمل في البناء. Travaille dans la construction. Hein? Tu travailles avant, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est tout. Allez. ثالثا في أي شيء تعمل الشركة التي يعمل فيها أحمد؟ Dans quelle chose, dans quel domaine, on va dire, hein? Dans quel domaine se trouve la. Dans quelle branche se trouve l'entreprise dans laquelle travaille Ahmed? Ah, tamam. C'est. Je suis trompé. Tu parles de la charité ou c'est le. Moi j'ai compris. Celle d'Ahmed. Le travail d'Ahmed. Ah, ouais. C'est le site Ahmed, la charité ou la tille Ahmed ou Fiha Ahmed. Ah, ouais, ou Mohassib. Là. Il demande la charika, dans quoi elle est? Ah, dans quel domaine elle est? C'est pas Ahmed. Quand est-ce qu'il commence son travail et quand est-ce qu'il le finit? Il commence à 7h du matin et il finit à 3h du soir. نعم. خامسا ومتى تبدا انت عملك ومتى تنتهي منه et toi quand est-ce que tu commences ton travail et quand est-ce que tu le finis ابدا الساعه 8 صباحا وانتهي الساعه 4 بعد العصر بعد العصر نعم يعني 8 du matin tu finis à 4 l'après-midi. سادسا كيف ينظم احمد وقته comment est-ce que احمد organise son temps هل يعجبك تنظيمه لوقته est-ce que tu es tu apprécies tu aimes ou tu es impressionné je sais pas comment on va dire comment il organise son temps j'ai pas compris comme ça dis-moi alors est-ce que l'organisation de son temps te plaît ou ouais non. ثامنا ماذا يفعل إذا لم يتمكن من أداء عمله في الوقت المقرر له donc que fait-il lorsqu'il n'arrive pas تمكن c'est avoir la possibilité de faire quelque chose donc s'il ne peut pas accomplir son travail dans le temps qui lui est assigné Il retourne sur le travail donc l'après-midi. وماذا تفعل أنت إذا كانت إذا كنت مكانه في العمل نفسه؟ ماذا تفعل أنت؟ كيف تفعل توا؟ إذا كنت مكانه في العمل نفسه. Pas compris non plus. Vas-y. En fait, je pense qu'ils veulent dire, c'est comme Ahmed. Si jamais t'as pas le temps de travailler, qu'est-ce que tu fais? Dis pas que tu reviens l'après-midi. Non, t'es obligé de finir. À ce cas-là, non. Ah, c'est-à-dire, tu te fais plus que 8 heures? Au travail? Parce que c'était des travaux. Quand c'est l'heure, quand c'est fini, le temps de travail, l'horaire, il est fini. Ils vont continuer. Normalement, ils n'ont pas le droit. Donc, c'est-à-dire, si tu finissais tôt, tu partais tôt. Si tu finissais tard, tu partais tard. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'était un arrangement. Ah, mais ça, c'est illégal là-bas, tu sais, en France. Pour eux. Tu as le quota 7h et 15h, tu dépasses. Non, mais c'est le temps que tu es. Tu prépares la voiture, ça compte. Donc quoi allez disons que نقول حب انك تمشي الى الاوقات المقرر لك كيف تعمل disons que tu n'as pas le droit de faire comme tu dis là كيف تفعل ما افعل voilà chérie tu dis demain quoi moi je suis pas Ahmed moi je reviens demain j'ai fini là je rentre à la maison j'ai pas que ça à faire نفس الفونكسيونير hein نفس الفونكسيونير voilà Moi, un peu, c'était pareil, des profs à l'école qui se disaient très motivant pour l'élève. Quand ils venaient pour donner des contrôles, ils venaient avec les notes. Monsieur Belkacem, bah, comme d'habitude, hein, 5 sur 20. Hein. Vous savez, moi, monsieur Belkacem, que vous ayez 5 sur 20, 20 sur 20, à la fin du mois, après, c'est la même, hein, vous savez. Tu dis, ah bah bien, machin, bah, motivant le prof, tu vois. Dis-moi que t'es 0 ou que t'es 20, ça change rien pour moi. Donc tu fais du mal quand même, tiens. Quelque part, ils ont raison. Dis, t'es à l'arabe, tu vois. Tu fais du mal à moi quand tu travailles pas. Moi, ma paye est la même. Je suis pas. J'ai pas de promotion parce que demain t'auras 20. Donc tu sais, hein, tu peux faire derrière, t'es derrière. Ah, ça me gêne. Tu peux être derrière, faire le singe, faire ce que tu veux, moi. Ah là là. Attends. Il y a une poussière qui est rentrée dedans, je crois, ou quoi. Donc, mille. لماذا ينال أحمد تقدير زملائه. Pourquoi est-ce que Ahmed a obtenu le respect de ses camarades. نعم. هل أحمد عبد شكور لله. نعم. Est-ce que Ahmed est un serviteur reconnaissant pour Allah, envers Allah? ماذا تفعل أنت إذا زارك بعض طيب ماذا تفعل أنت إذا زارك بعض الأصدقاء وأمامك أعمال هامة تريد أن تنجزها؟ Qu'est-ce que tu fais toi si des amis te visitent et que devant toi tu as du travail important que tu voudrais terminer? سأكرم أصدقائي أصدقاء فقط أصدقائي أيضا أصدقائي الضمير الضمير بوقت معين في مرتبة وقت ليش؟ مرتبة وقت ترتيب بترتيب الوقت أيوة ترجم خلي تحفظ ترجم je reçois mes amis dans un temps précis et avec un temps précis et tu partages le temps un temps pour les recevoir un temps pour finir pas mal. C'est quoi les mots que je n'ai pas compris? Thalith. Thalith, Yakul. Et tu as dit Thalith. Orbout, Beina Kuli Kalima Taïf. Beina Kuli Kalimatin. Wama Tassiru Bimarnaha. Biwad Rakam El Munasib Amama. En fait, là, tu as des phrases et un mot. Chaque phrase que tu as là, tu mets le mot, le numéro du mot qui correspond avec, à son sens. En fait, là, il te définit, c'est comme si tu donnais une définition. Là, la phrase. Et le mot à côté, c'est le mot défini. À toi de lier la définition avec le mot à qui revient. Elle revient. Ouais. مثلا يقول dans une jumla il dit أما السابع خليه لسه سات تبص للجفاء. ouais j'ai le sept laisse. j'ai lu mais je trouvais pas j'ai racheté deux trois trucs mais c'est pas voilà. خليه السابع. نعم. les souhaits. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مع تحية دمام افاف.com